S'agit oriental du destin. Fais attention à tes pensées, car elles deviennent tes mots. Fais attention à tes mots, car ils deviennent tes actes. Fais attention à tes actes, car ils deviennent tes habitudes. Fais attention à tes habitudes, car elles deviennent ton caractère. Fais attention à ton caractère, car il devient ton destin.